Bonjour à tous, alors bienvenue sur ce nouveau podcast pour le premier épisode. Donc je vais me présenter rapidement, je m'appelle Manon, j'ai 23 ans et j'ai décidé de parler de manière générale de tout ce qui va être individualité, personnalité et expansion de soi. J'ai pas envie de dire développement de soi parce que je trouve que c'est devenu n'importe quoi ce thème-là et c'est pas vraiment l'idée que j'ai de ça. Donc voilà, je préfère expansion. Alors premièrement, je m'excuse pour la qualité parce que peut-être que ça va pas être topissime, mais pour l'instant je le fais avec mon téléphone. Donc j'ai pas d'autre choix malheureusement dans l'absolu. Donc je vais faire au mieux, mais je vous promets rien. Ensuite, donc, excusez-moi, je prends mes petites notes. Donc j'ai décidé de commencer cet épisode, donc cette série de podcasts. Je sais pas si je vais m'y tenir ou pas, honnêtement, mais on verra. J'ai décidé de commencer par qu'est-ce que le soi ? Qu'est-ce que c'est être soi-même ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Parce que pendant des années, j'ai vu et j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur être pleinement soi-même, soyez vous-même, soyez vrai, soyez authentique, etc. J'ai beaucoup souffert de ça et aujourd'hui je suis encore en train de me découvrir et d'en apprendre plus sur moi-même. Et je pense qu'on est très très nombreux dans ce cas. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast. Donc j'ai décidé de parler de ça de manière simple. J'ai pas envie d'utiliser des termes compliqués comme les gens qui font du développement personnel, etc. Enfin, je voudrais quelque chose qui reste accessible et qu'on puisse tous comprendre, moi y compris. C'est mieux si je sais de quoi je parle. Et si je comprends surtout de quoi je parle, parce que je sais pas si je saurais tout. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors, premièrement, je voulais parler des barrières et des interdictions qu'on rencontre à être pleinement soi-même. Ces barrières-là, elles sont principalement érigées par l'entourage et surtout par le fait qu'on pense à la place de notre entourage. Par exemple, je sais que ma mère n'aime pas le rose, j'ai flashé sur une robe rose, je ne vais pas l'acheter parce que ma mère n'aime pas ça et qu'elle va forcément pas aimer la robe sur moi. Alors c'est un exemple très très bête, je suis désolée, j'avais rien de mieux sous le coude dans l'absolu, mais c'est comme ça que je résumerai la chose. Personnellement, j'ai toujours eu tendance à m'interdire énormément de possibilités, énormément de choses, parce que, pardon, j'avais très peur de décevoir mon entourage. Alors, la plupart du temps, dans peut-être même 95% des cas, j'ai pensé à leur place, puisque jamais personne ne m'a fait de réflexion ou quoi que ce soit sur les choix que j'ai pu faire ou sur les erreurs, pareil, que j'ai pu faire. Enfin, je pense qu'à un moment donné, on arrive à un âge où les parents sont compréhensifs et savent qu'il faut se tromper pour apprendre. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu très très à cœur de ne jamais décevoir mon entourage. Et par ne jamais les décevoir, ça voulait surtout dire faire exactement ce que je pensais qu'ils voulaient que je fasse. Même si il n'y avait pas forcément de vérité derrière ça. Et je sais que je me suis interdite énormément de choses, énormément de possibilités et énormément de personnalités à cause de ça. Et ça m'a complètement détruite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, je sais plus ce que j'aime ou ce que j'aime pas, je sais plus ce qui me fait plaisir ou non, je sais même plus ce que j'ai envie de faire ou pas. Enfin, c'est assez compliqué pour moi, donc je tâtonne encore beaucoup à ce niveau-là. Mais voilà, je me suis totalement perdue dans le processus de je veux être aimée des autres, je veux être acceptée par les autres, donc je vais faire ce que je pense que les autres veulent que je fasse, dans le but d'être aimée et acceptée par eux. Et malheureusement, ça ne sert à rien. Parce qu'au final, les gens le voient, que vous êtes malheureux, que vous n'êtes pas authentique. Ils le ressentent. Alors il y en a qui vont le prendre personnellement, qui vont penser que vous n'êtes pas authentique parce que vous êtes une personne fausse ou parce que vous ne les appréciez pas et que vous faites semblant avec eux. C'est hyper compliqué et ça entraîne beaucoup, beaucoup d'anxiété de vivre de la sorte puisqu'on est toujours attaché à qu'est-ce que telle personne va dire et qu'est-ce que telle personne va penser et si telle personne va penser ça, qu'est-ce que moi je vais faire, etc., etc. Et c'est vraiment, vraiment délicat comme situation. Donc, je pense qu'on s'est construit tous beaucoup de barrières pour rendre nos parents fiers, pour être acceptés par nos amis, pour parce que personne nous a appris à être authentiquement nous-mêmes aussi. Je ne vais pas rentrer dans un sujet à débat, mais à l'école, on va t'apprendre les mathématiques, l'histoire, etc., qui sont des choses importantes, je ne vais pas le nier. Mais il n'y a pas de cours où on t'apprend à être pleinement toi-même, à exprimer ton art et ta façon d'être, à vivre comme toi, pour toi, par toi, et avec ce que toi tu veux, ce que toi tu aimes, et où tu aurais le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec l'autre. Parce que dans notre culture, surtout en Europe, le refus est pris très personnellement. En ce moment, je suis installée à Montréal depuis peu de temps, depuis un mois, et j'ai pu constater que les Canadiens ont une vision très différente, de l'espace personnel, à savoir que eux, s'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils ne le font pas. S'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils vont le faire, ils vont le dire, pardon. Et ils ne se gênent pas pour s'exprimer. Et là-bas, c'est très bien compris. C'est-à-dire que personne ne va leur dire « Ah, t'as vu, il est jamais partant, il est pénible et tout. » Non, non, là-bas, c'est « Ah, ok, bah d'accord, bah t'as pas envie, c'est pas grave. » Ou on fait autre chose, ou bah on fait sans toi. Mais voilà, en Europe, nous, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti personnel, après je sais pas si j'ai totalement raison ou pas, mais j'ai l'impression que le non est automatiquement un refus de l'autre, un refus de... une négation de l'autre. Par exemple, quelqu'un me dit non à moi, je sais pas, je propose qu'on aille manger dans un restaurant, on me dit non, je vais tout de suite le prendre comme ton idée c'est de la merde. Alors que c'était peut-être pas forcément le but de base, peut-être que la personne a dit non parce que, je sais pas, elle avait pas d'argent, parce qu'elle avait pas envie de manger dans ce restaurant-là, parce que voilà. Mais je sais que moi, instinctivement, je vais le prendre comme ce que tu proposes, c'est nul. Et du coup, ça va entraîner une baisse de ma confiance en moi, puisque je vais me dire, ah bah tiens, si je propose à un tel ça une fois qui me dit non, deux fois qui me dit non, bah c'est peut-être que cette personne-là m'apprécie pas, ou que ce que je propose c'est pas assez bien, ou voilà, on va rentrer dans une sphère un peu négative. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est vraiment mon vécu personnel. Et j'aimerais d'ailleurs savoir si vous avez, vous, vécu ce genre de situation. Et on en arrive à un point où on ne sait plus véritablement si ce qu'on aime c'est bien, parce qu'on s'est d'entrée dit qu'il fallait que ça plaise forcément aux autres. Il y a eu cette notion de le refus est un refus de l'autre ou un refus de moi, si nous sommes la personne qui prenons le refus en pleine face. Hein, j'utilise ces mots parce que pour moi un refus c'est très violent, c'est pas... Je vais pas en mourir, hein, si on me dit non, pas du tout, je suis pas quelqu'un de capricieux. Mais par exemple, moi, je refuse très souvent de dire non aux autres parce que justement, je ne veux pas les... Pardon, c'était un message. Je ne veux pas les blesser. Et résultat des courses, j'en viens à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Et ça rend service à personne puisque je me force avec l'autre et qu'au final, les relations ne sont pas authentiques. Mais voilà, donc je voulais vraiment évoquer ça parce que je sais pas combien on est à vivre ça, je sais pas si c'est que moi, je sais pas si voilà, et je sais que c'est quelque chose qui m'a empoisonné la vie pendant très longtemps. Et aujourd'hui, j'essaye de récupérer le pouvoir de dire non, le pouvoir d'être moi et de ne pas être d'accord avec l'autre sans rentrer dans le conflit, puisque justement, j'ai pas du tout envie de rentrer dans cette dynamique-là, bien au contraire, mais de dire écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais ou je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. De même que j'ai tendance à prendre l'opinion des autres concernant mes choix très très à cœur et même trop à cœur. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit je n'aime pas la couleur rouge, je ne porterai jamais de rouge devant cette personne. Et pourtant, moi, j'adore le rouge. Donc voilà, et je dois apprendre à m'émanciper de ces... comment dire? De ces jugements de l'autre ou de ces des choses que je prends comme un jugement qui sont peut-être pas un jugement finalement. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de travail personnellement, je le sais, et c'est un petit peu la raison de ce podcast aussi, c'est que si jamais il y a des gens qui sont dans mon... comment dire? Avec mes difficultés, qu'on partage les mêmes choses, bah justement, ça serait cool de se retrouver. Voilà. Je le fais vraiment personnellement pour moi. J'avoue, c'est un peu peut-être égoïste, je sais pas, mais pour le coup, c'est vraiment pour moi que je fais ces petits épisodes et on verra où ça mène. Et je voulais aussi parler des difficultés à être soi, parce que quand on a fonctionné pendant des années sur le système de je vais faire plaisir à l'autre parce que l'autre passe avant moi, c'est très difficile de faire la marche arrière. J'ai 23 ans, je suis partie m'installer au Canada pour cette raison, très précise, parce que justement me retrouver, je voulais redevenir, si je peux dire, moi, me redécouvrir ou me découvrir. C'était la raison de mon départ, c'est pour ça que j'ai choisi de quitter la France. Et chaque jour passé ici me rappelle à quel point c'est difficile de se débarrasser d'une vieille habitude. Alors je sais que je suis sur la bonne voie, mais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est marrant parce que tout à l'heure je regardais la vidéo d'un youtubeur, dont je me rappelle pas le nom, sincèrement. Mais c'était quelqu'un de très excentrique, de très... un homme très maquillé, très apprêté, avec des ongles vraiment très très très colorés, très vifs et tout. Et je le regardais, je me disais, mon Dieu, mais c'est beau parce que ce mec-là est exactement ce qu'il a envie d'être. Et il se soucie pas du regard des autres, il se soucie de rien, il fait juste ce qu'il a envie de faire. Et je crois que c'est à ça que j'aspire. Je crois que sur la durée, c'est vraiment cet objectif-là que je souhaite atteindre. Parce que c'est beau et parce que je pense que l'être humain n'est authentique que quand il exprime pleinement ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Et récemment, je parlais avec mon meilleur ami d'une soirée qu'on avait passée où on m'avait proposé une soirée et j'étais pas super emballée par l'idée. Et on en a reparlé un peu plus tard, bien sûr, j'ai dit oui, j'ai dit bon, mais écoute, on verra, on essaye. Et puis lui m'a dit, bah, de toute façon, si ça te plaît pas, on s'en va et c'est fini. Et on en a reparlé un peu plus tard, je lui ai dit, tu sais, j'ai vraiment l'impression, de manière générale, que j'ai pas le droit de dire non, que j'ai pas le droit de refuser, que j'ai pas le droit de pas être d'accord, etc., avec quelqu'un. Et il m'a répondu, non, mais tu sais que si t'avais pas voulu essayer ce soir, la soirée qu'on a passée, qui s'est en fait avérée être une excellente soirée, hein, pour le coup, il m'a dit, on aurait très bien pu faire autre chose, et il faut pas que tu te sentes coincée par rapport à ça. Et honnêtement, d'avoir eu cette considération pour moi, de ce qu'il m'a dit, puisque là il me montre quand même que mon avis compte et que ce qui compte c'est aussi que je sois bien, qu'on passe tous une bonne soirée bien évidemment, mais que moi aussi je sois bien. Donc de me faire une petite place, ça m'a chamboulée parce que je me suis dit mais oui en fait. Et je me suis sentie presque honorée de ça en me disant bah non mais voilà. J'ai passé toute ma vie à m'adapter aux autres et à faire ce que les autres voulaient faire sans jamais dire... bah moi j'ai pas envie ou je suis mal à l'aise avec ça ou sans jamais même exprimer mon émotion, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire qui nous mettent mal à l'aise mais qu'on fait quand même parce que c'est comme ça, mais en le disant. Par exemple, je détestais aller à l'école quand j'étais plus jeune, je supportais pas être à proximité avec des gens de mon âge, je supportais pas, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout le monde me jugeait et que voilà, alors que c'était peut-être pas du tout le cas, hein. J'en ai aucune idée, mais c'est des périodes que j'ai vraiment détestées. Et quand les gens disent que les années lycée ou les années fac c'était les meilleures de leur vie, pour moi ça a été vraiment tout l'opposé. Et je me suis dit mais ouais, en fait, j'ai jamais osé manifester mes émotions d'inconfort et de désaccord avec quelqu'un qui me proposait, je sais pas, une soirée chez une personne, par exemple, où j'aimais pas la personne, j'avais pas envie de sortir, je disais oui parce que j'avais pas envie que l'autre soit déçu ou que l'autre ne m'invite plus par la suite. Et en fait, je me suis vraiment, en parlant comme ça, je me rends compte que je me suis réellement enfermée dans une tyrannie de l'émotionnel qui est de tuer pratiquement à ce stade, hein, vraiment, parce que ça a duré quand même 23 ans, je rappelle, tuer l'esclave de l'autre. L'autre veut faire quelque chose, bah tu suis, voilà. Et la limite s'est manifestée par beaucoup d'angoisses, des angoisses pour sortir, des angoisses par rapport à énormément de choses. Et c'est là que j'ai compris en fait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, donc grâce à l'aide d'une hypnothérapeute qui m'a vraiment beaucoup aidée, qui a été merveilleuse. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire tout l'opposé aujourd'hui, de dire est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas, est-ce que ça me plaît ou pas, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas. Et c'est difficile à mettre en place. Mais s'explorer soi-même, ça reste très intéressant. J'en suis qu'au début. J'ai envie de partager cette aventure avec vous. J'ai envie que ça vous donne envie à vous aussi d'essayer si vous vous sentez coincé. J'avoue que moi, pendant très longtemps, j'ai eu cette notion de ok, j'ai le droit d'être moi, mais je m'autorisais pas à être moi. Je m'autorisais pas à faire ce qui me plaisait, je m'autorisais pas à regarder ce que j'avais envie de regarder, même si c'est quelque chose de complètement abrutissant. Je veux dire, j'ai le droit de regarder ce qui me plaît, au final, c'est qu'entre moi et moi. Et pendant très très longtemps, j'ai eu ce blocage. Et c'est en regardant d'autres personnes, en lisant les œuvres de certaines poètes sur Instagram ou sur ou en visionnant des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, que j'ai pris conscience en fait que l'être humain est unique et qu'il a le droit d'exprimer ça et en plus d'être très heureux et d'être aimé. Parce que pour moi, c'est très important cette notion d'être aimé. Je pense comme beaucoup, on a envie d'être... En tout cas, pour le moment, j'en suis encore là, où j'ai envie d'être appréciée de mes proches, où j'ai envie d'être aimée par eux, j'ai envie d'être acceptée. Je crois que c'est vraiment le terme, acceptée, d'être acceptée par mes proches. Et donc, j'avais besoin de... En fait, dans ma tête, c'était soit tu fais comme ils veulent, soit comme tu fais comme toi tu veux, mais si jamais tu fais ce que toi tu veux, ils ne vont pas te... Ils vont pas t'aimer, ils vont pas t'apprécier, ils vont pas te respecter. Et pendant très très longtemps, j'ai pensé comme ça, sincèrement. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre les choses en main et de, voilà, de décider de repartir sur d'autres bases. Par exemple, hier, on fêtait l'embauche que je viens d'avoir au Canada. Je commence un nouveau travail dans un mois, dans une grande entreprise. Et mes amis m'ont dit, viens, on sort, on fait ça, tu choisis le restaurant, etc. Et j'ai été sincèrement incapable de choisir un resto. C'est mon meilleur ami qui est venu à ma rescousse en me disant, écoute, je connais un super bon restaurant de pizza, si ça te dit, on y va. Et je lui ai dit, ok, ça me dit, la pizza, j'adore, il le sait, et voilà. Et il m'a dit, on y va. Et on a passé une très bonne soirée, mais j'étais vraiment incapable de choisir un endroit où manger. Et en soi, je trouve ça triste, parce que ça veut dire que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais je suis contente d'en avoir conscience aussi, parce que ça implique, du coup, que j'en ai conscience et que je puisse bosser dessus. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je voudrais vraiment avoir vos retours par rapport à ça, à vos ressentis. Ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère qu'on va pouvoir échanger ensemble. Je suis en train de mettre en place... un site web, un compte Instagram. Je vais essayer de poster mon podcast rapidement pour qu'on puisse avoir des plateformes où on peut échanger. Voilà. En attendant, merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt parce que je pense que je vais enregistrer pas mal de podcasts. J'avoue que j'aime bien le format. Je vais écouter le rendu puis on va voir ce que ça donne. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir pris ces presque 18 minutes pour écouter ce que j'avais à dire. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment beaucoup. Merci.